T'as voulu partir loin de tout et tutti frutti, plus de rendez-vous. C'est le goût caramel qui te séduit, stockage à la vanille, rance dans le frigo. Frigide la communication, casse-toi, ça vaut plus le coup. Ça en valait plus le coup, ça valait pas de mettre des coups. Dur parcours qui coûte cher, je te rembourse bientôt plus cher. Avec du plomb et de l'alter, ego pour passer à autre chose. Avec des mots qui protègent les fronts sans terre, intro. Je repars à zéro, 1, 2, 3, à la main qui craque, ça pleure. Des tracks de tac pour cibler le bonheur. On l'avait, on lâche, la fille foi en sa tâche de mère. Et je m'attache à ce rôle que tu m'enlèves. Pas eu le temps que les hormones se collent à la sève de mon homme. Tard, dans l'attente, tire, tire vers le fond de l'impasse. La sinueuse, écarlate, brise et chante. Le moulin a perdu ses airs, a volé sa rage. Ses ambitions remises à l'heure. Du son qui passe la barre du tonton. En si bémol, je t'aurais regretté bien quand t'es majeur, je te le mets si ça te fait kiffer. Musicalité d'amour ratée que t'écoutes le matin, rue d'Anis, c'est dépassé. Le beat bouge des pieds qui pillent palpitant comme ta bite qui bat le rythme d'une protection. Bon enfant, mature matériellement, dépassé par les événements, prise de conscience tardivement. On laisse pourrir patiemment et on finit par souffrir sincèrement parlant. Plus rien à se dire, ça compte plus, c'est 4 ans. Ces incessants remaniements de gouvernements changeants, nos tendances, quand bien même, quand on s'en tape, se tape le dos, se tape le cœur à dos, se tape la honte d'un morceau qui finit trop tôt, trop tard, je suis en retard, toujours derrière toi. Je t'en veux pas, je pourrais danser la salsa pour toi. Devant, derrière, la mandale court le marathon, et gagne la claque qui est mise à terre, et sang et veines qui coulent spontanément des yeux, et tu pleures la désinventure.